Chant numéro 32. J'avais si fortement appliqué mon regard à calmer cette soif vieille de 10 années que tous les autres sens m'avaient abandonné. Autre que mes yeux, même avaient des deux côtés des murs de nonchaloir, tant ce sourire sain les retenait lui seul dans ses raies de jadis. Quand mon regard se vit tourné par ces déesses, soudain du côté gauche, et presque par la force, quand je les entendis dire « Tu fixes trop !» Et la difficulté de voir clair, qui persiste après que le soleil nous donne dans les yeux, fit que pour un instant je restais sans rien voir. Mais l'œil s'habituant avec moins de lumière, je dis « moins » seulement par rapport à l'éclat suprême dont je fus séparé par la force. Je vis le groupe heureux qui venait d'esquisser en demi-tour à droite et qui se retournait, faisant face au soleil et aux 7 candélabres. Comme sous les pavois qui lui font un rempart, tourne le bataillon avec son étendard, avant que tous les rangs puissent changer de front, de même, ces soldats du royaume céleste qui venaient les premiers passèrent devant nous avant que le timon du char tournât à gauche. Les dames furent lors se placer près des roues et le griffon tira la charge bienheureuse sans qu'un seul mouvement fît frissonner ses plumes. Celle qui m'avait fait traverser la rivière, jointe à Stas et à moi, nous suivîmes la roue qui traçait en tournant le petit arc de cercle. Traversant le haut bois, déserté par la faute de la femme qui fut trop crédule au serpent, d'angéliques concerts nous mesuraient les pas. Une flèche en 3 vols traverserait peut-être la distance qu'à peine nous avions parcourue alors que de son char descendit Béatrice. Puis j'entendis le cœur qui murmurait « Adam !» Et tous vinrent au pied d'un arbre, dont les branches, de feuilles et de fleurs, se trouvaient dépouillées. Sa couronne, pourtant, s'évasait d'autant plus qu'elle montait plus haut, et l'on admirerait hautement sa grandeur dans la forêt des Indes. « Que tu peux être heureux, griffon, toi dont le bec n'arrache rien de l'arbre, au goût si savoureux, mais amer par la suite et qui tord les entrailles. » Ainsi criaient autour de cet arbre robuste tous les autres. Alors l'animal, 2 fois né, c'est ainsi qu'on maintient la source de justice. Retournant au timon qu'il venait de tirer, il le mit près du pied de l'arbre dépouillé, l'attachant à son tronc et l'y laissant enfin. Les plantes ici-bas, lorsque tombe sur elle tout l'éclat du soleil et des rayons issus du cygne qui fait suite au céleste poisson, se gonfle sous la sève, et chacun reprend ses anciennes couleurs, avant que le soleil n'attelle ses coursiers sous un cygne nouveau. Tel cet arbre reprit sa force, et fut couvert par des fleurs moins que rosées et plus que violettes, lui qui, l'instant d'avant, n'était que branche nue. Mais je n'ai pas compris, et l'on ignore ici l'hymne qui fut chanté par ces gens à la suite, et que je n'avais pas écouté jusqu'au bout. Si je savais compter comment s'était fermée la paupière cruelle au comte de Syrinx, celle qui dut payer chèrement sa veillée, je ferais comme un peintre, imitant son modèle, et je raconterais comment je m'endormis. Mais qui peut expliquer comment vient le sommeil? Je passerai donc vite à l'heure du réveil. Je dis qu'une blancheur vint déchirer le voile du sommeil, et le cri « Lève-toi, que fais-tu ?» Lorsqu'ils furent conduits près des fleurs du pommier, qui fait avec ses fruits les délices des anges, et offre dans le ciel des noces éternelles, Pierre et Jacques et Jean, endormis tous les 3, s'éveillèrent soudain au bruit de la parole qui sut vaincre jadis des sommeils plus profonds, et virent tout à coup leur collège réduit, d'une part de Moïse et d'autre part d'Élie, et prendre un autre aspect l'étole de leur maître. Tel je revins à moi, et je vis se pencher sur moi la bonne dame à qui je dois déjà d'avoir conduit mes pas le long de la rivière. L'âme en suspens, je dis, où donc est Béatrice? Regarde, elle est là-bas, sous les feuilles nouvelles, tu peux la voir. Dit-elle, assise auprès du tronc. Tu vois aussi le cœur qui fait cercle autour d'elle. Les autres vont là-haut, derrière le griffon, au son d'un autre chant, plus doux et plus profond. Et si dans son discours elle en dit davantage, je ne sais, car mes yeux ne voyaient plus que celle qui m'empêchait d'entendre ou de voir d'autres qu'elle. Seule, elle était restée assise sur le sol, comme voulant monter la garde auprès du char que je vis attaché par la bête biforme. Les sept nymphes en cercle autour d'elle formaient un chapitre, portant dans les mains ces flambeaux qui restent à l'abri d'Aquilon et d'Austère. Tu ne resteras pas longtemps dans ces forêts. Avec moi, tu seras à jamais citoyen de cette Rome vraie où le Christ est romain. Cependant, pour le bien du monde qui vit mal, observe donc ce char et tout ce que tu vois, une fois de retour, compte-le par écrit. Ainsi dit Béatrice, et moi qui ne voulais que me montrer soumis à ses commandements, des yeux et de l'esprit, j'obéis à ses ordres. Jamais feu n'a jailli des épaisses nuées aussi rapidement lorsque descend la pluie des régions du ciel qui se trouvent plus haut, que j'ai vu lors piquer l'oiseau de Jupiter tout le long de cet arbre, déchirant son écorce aussi bien que les fleurs et les feuilles nouvelles. Et de toute sa force, il fonça sur le char, qui vacilla soudain, comme au vent le vaisseau ballotté par les flots de bâbord à tribord. Après cela, je vis se glisser dans la caisse, par derrière ce char de triomphe, un renard, qui semblait ignorer la bonne nourriture. Mais en lui reprochant la laideur de ses fautes, Béatrice le fit déguerpir aussi vite que ses pieds décharnés semblaient le lui permettre. Et suivant le chemin qu'il avait pris d'abord, sur la caisse du char, je vis descendre l'aigle, mais il y dut laisser une part de ses plumes. Aussitôt, une voix, comme d'un cœur en peine, parut sortir du ciel et dire ces paroles. « Que l'on t'a mal chargé, ô ma pauvre nacelle !» Je crus ensuite voir, juste entre les deux roues, que la terre s'ouvrait, et je vis un dragon en sortir et percer tout le char de sa queue. Et pareil au frelon qui retire son dard, il ramenait vers lui la pointe envenimée avec un bout du fond et s'en fut satisfait. Le reste fut couvert, comme une terre grasse qu'habille le gazon, par les plumes offertes dans une bonne et sainte intention sans doute, si bien que le timon et l'une et l'autre roue furent entièrement noyées en moins de temps que la bouche ne mette à lâcher un soupir. De l'édifice saint transformé de la sorte, je vis surgir ensuite un peu partout des têtes, trois au bout du timon et une à chaque coin. Les trois, comme les bœufs, s'affublaient de deux cornes. Le front des autres quatre en portait une seule, et l'on n'aura jamais vu des monstres pareils. Tranquille comme un roc au sommet des montagnes, je vis une putain assise sur ce monstre, au maintien indécent et au regard lascif. Et comme pour veiller à ce qu'on ne la chasse, auprès d'elle un géant semblait monter la garde, et tous les deux, parfois, échangeaient des baisers. Son regard dissolu s'étant posé sur moi, l'espace d'un instant, cet amant furieux se mit à la frapper, des pieds jusqu'à la tête. Puis, mû par la colère et les cruels soupçons, Il détacha le monstre et l'amena si loin au fond du bois que seul celui-ci fit rempart entre moi, la putain, et cette étrange bête.